Baikal. Donc j'ai pas eu beaucoup de route à faire pour venir ici, donc j'en ai profité pour venir assez tôt le matin, par un dire. C'est assez relatif en fait. Voilà, j'ai été super bien accueilli ici par l'équipe de la médiathèque. Ils sont cool, hein. Mais souvent, ouais. Et ils m'ont indiqué les bons points, Patrice m'a dit, monte sur le mont d'or. Tu vas en chier, ça va être bien. Gros cagnard à 14h. Ouais, là, il faisait chaud. Ouais, c'était pas mal. J'ai pris une douche entre temps, vous pourrez bien me parler à la fin. Voilà, donc je suis monté sur le mont d'Or, j'ai vu la vue, je suis redescendu. Ma vie passe aussi par le petit canal là, c'est joli. Donc je suis passé par là. Voilà. Je me suis un peu retrouvé vraiment par hasard devant la maison de Jean Giono. Et la porte a été ouverte. Donc faut pas me le dire deux fois, je suis rentré. Marqué visite le vendredi, tout ça. On va essayer. Et puis, c'était en train de faire l'anniversaire du président de l'association de Jean Genot, je ne sais pas trop. Et ils m'ont gentiment fait faire une visite privée, c'était super chouette. J'ai même parlé à sa fille. Ouais. J'aurais plein d'anecdotes à raconter à mes amis bibliothécaires qui lisent des livres. J'ai dû lui avouer que j'avais jamais lu de Jean Genot. Ah oui. Du coup, j'en ai acheté un après. Il m'a rattrapé, on me dit, allez, vite. En Bretagne, on ne connaît pas les mots. Ah ouais. J'étais tout honteux. Le prochain morceau, il s'appelle 20 Foot Waves. On arrive sur les trois derniers morceaux et c'est les trois autres morceaux du disque. Il y en a quatre dessus. Il y a le premier que j'ai joué tout à l'heure et là, les trois derniers sont dessus. Donc sur le disque, c'est assez arrangé. J'avais pas envie, moi, d'un disque tout seul, la guitare à la voix. Moi, j'aurais pas trop envie d'écouter ça chez moi, un mec qui chante juste avec une guitare. Donc j'ai appelé les copains qui m'ont gentiment aidé à rajouter des guitares électriques, de la basse, une instrumentation assez classique dans la pop music, folk music. Il y a un morceau qui détonne un peu, où c'est un ami accordéon, qui fait de l'accordéon chromatique. Voilà, c'est le dernier morceau du disque, c'est juste un duo accordéon-guitare en fait. Donc c'est un peu différent. Et voilà, si vous voyez le disque, c'est un peu sur le thème de la mer. Comment ? Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je suis pas marin pour un sou, je suis pas breton, mais c'est assez romantique tout ça, l'image du vieux de mer. Donc, le prochain morceau qui s'appelle 20 Foot Waves, ça raconte ça, l'histoire d'un homme qui fuit ses problèmes en prenant le bateau et en se disant que quand il reviendra, les vrais amis seront toujours là. 20 Foot Waves, ça veut dire des vagues de 20 pieds, ça doit faire 5 mètres, je crois, si vous tapez sur Google. Combien ça fait 20 pieds en mètres?